Module 6, étude 5. Retour à la vie corporelle, l'enfance. Dès les approches de l'incarnation, l'esprit entrant dans le trouble perd peu à peu la conscience de lui-même. Il est durant une certaine période dans une sorte de sommeil pendant lequel toutes ses facultés demeurent à l'état latent. Cet état transitoire est nécessaire pour donner à l'esprit un nouveau point de départ et lui fait oublier dans sa nouvelle existence terrestre les choses qui eussent pu l'entraver. Son passé, cependant, réagit sur lui. Il renaît à la vie plus grand, plus fort moralement et intellectuellement, soutenu et secondé par l'intuition qu'il conserve de l'expérience acquise. À partir de la naissance, ces idées reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes, d'où l'on peut dire que, pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Pendant le temps où ses instincts sommeillent, il est plus souple et par cela même plus accessible aux impressions qui peuvent modifier sa nature et le faire progresser, ce qui rend plus facile la tâche imposée aux parents. L'enfance commence à la naissance. Elle comprend la période de développement de la personnalité, commençant à l'accouchement et finissant à l'arrivée des premières manifestations de la puberté, au début de l'adolescence. Dans la période de l'enfance, l'enfant change avec l'âge et révèle des caractéristiques individuelles dont le rythme varie d'un individu à l'autre. Selon le spiritisme, l'enfance est une nécessité. Il est dans la nature et, selon les vues de la Providence, est un temps de repos pour l'esprit. L'esprit, s'incarnant en vue de se perfectionner, est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Les différences individuelles observées chez les enfants résultent du patrimoine génétique hérité des parents, de l'éducation reçue, des tendances intuitives et des idées innées que l'esprit apporte en renaissant. Les transformations neurophysiologiques et biochimiques du corps physique suivent les lois de la génétique en suivant le moule de la personnalité infantile prévue lors de la programmation de la réincarnation. L'éducation ou le facteur culturel offre les conditions du développement intellecto-moral et de la révélation des conquêtes évolutives acquises antérieurement par l'esprit. Les tendances instinctives et les idées innées surgissent sous la forme de souvenirs fragmentaires des conquêtes et des défaites que l'esprit amène avec lui dans sa lutte de cette réincarnation. Soulignons que la mémoire intégrale des expériences des vies passées soit bloquée pour permettre à l'esprit de mieux profiter des bénéfices visés par la réincarnation. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu et se trouve en relation avec les mêmes personnes afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qui l'aurait offensé. Dieu nous a donné, pour nous améliorer, juste ce qui est nécessaire et peut nous servir et nous suffire. La voix de la conscience et nos tendances instinctives, il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis. Il naît ce qu'il s'est fait. Chaque expérience est pour lui un nouveau point de départ. Peu lui importe de savoir ce qu'il a été. Il est puni, c'est qu'il a fait le mal. Ses tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui, et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention, car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de traces. Les bonnes résolutions qu'il a prises sont la voix de la conscience qui l'avertit de ce qui est bien ou mal et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Les enfants sont les êtres que Dieu envoie dans de nouvelles existences et pour qu'ils ne puissent pas lui reprocher une sévérité trop grande, il leur donne toutes les apparences de l'innocence. Même chez un enfant d'un mauvais naturel, on couvre ses méfaits de la non-conscience de ses actes. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'il était avant. Non, c'est l'image de ce qu'ils devraient être, et s'ils ne sont pas, c'est sur eux seuls qu'en retombe la peine. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cet aspect. C'est aussi et surtout pour leurs parents dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse. Et cet amour serait singulièrement affaibli par la vue d'un caractère acariâtre et revêche, tandis que, croyant leurs enfants bons et doux, ils leur donnent toute leur affection et leur entourent des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, de cette assistance qui leur a été donnée pendant 15 à 20 années, leur caractère réel et individuel reparaît dans toute sa nudité. Ils restent bons s'ils étaient fondamentalement bons, mais ils s'irisent toujours de nuances qui étaient cachées pour la première enfance. Il n'est d'ailleurs pas rationnel de considérer l'enfance comme un état normal d'innocence. Ne voit-on pas des enfants doués des plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a pas encore pu exercer son influence ? N'en voit-on pas qui semblent apporter en aisance l'astuce, la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre, et cela nonobstant les bons exemples dont ils sont entourés ? La loi civile absout leurs méfaits parce qu'ils, dit-elle, ils ont agi sans discernement. Elle a raison, parce qu'en effet, ils agissent plus instinctivement que de propos délibérés. Mais d'où peuvent provenir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences ? D'où vient cette perversité précoce, si ce n'est de l'infériorité de l'esprit, puisque l'éducation n'y est pour rien ? Ceux qui sont vicieux, c'est que leur esprit a moins progressé, et alors ils en subissent les conséquences. Non pour ces actes d'enfant, mais pour ceux que ces existences antérieures, et c'est ainsi que la loi est la même pour tous, et que la justice de Dieu atteint tout le monde. L'enfance a encore une autre utilité. Les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. C'est ainsi que l'enfance est non seulement utile, nécessaire, indispensable, mais encore qu'elle est la suite naturelle des lois que Dieu a établies et qui régissent l'univers. Ainsi, tant la paternité que la maternité sont sans contredit une mission, qui est en même temps un devoir très grand et qui engage, plus que l'homme ne le pense, sa responsabilité pour l'avenir. Dieu a mis l'enfant sous la tutelle de ses parents pour que celui-ci le dirige dans la voie du bien, et il a facilité leur tâche en lui donnant une organisation frêle et délicate qui le rend accessible à toutes les impressions. Mais il en est qui s'occupent plus de redresser les arbres de leur jardin et de leur faire rapporter beaucoup de bons fruits que de redresser le caractère de leurs enfants. Si celui-ci succombe par leur faute, ils en porteront la peine et les souffrances de l'enfant dans la vie future retomberont sur eux, car ils n'auront pas fait ce qui dépendait d'eux pour son avancement dans la voie du bien. D'un autre côté, les parents qui ont dispensé toute leur attention dans l'éducation de leurs enfants ne doivent pas se sentir responsables de leur détournement, car plus les dispositions de l'enfant sont mauvaises, plus la tâche est lourde et plus grand sera le mérite si les parents réussissent à le détourner de la mauvaise voie. Dans l'enfance, le libre ou la libre manifestation de l'esprit n'est pas possible, car lorsqu'il est enfant, il est naturel que les organes de l'intelligence, n'étant pas développés, ne peuvent pas lui donner toute l'intuition d'un adulte. Il a en effet l'intelligence très bornée, en attendant que l'âge ait mûri sa raison. Le trouble qui accompagne l'incarnation ne cesse pas subitement au moment de la naissance. Il ne se dissipe que graduellement avec le développement des organes. L'état d'enfant semble être une loi universelle dans les différents mondes habités, car quand Allan Kardec a demandé aux esprits supérieurs « En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance ?» La réponse a été « L'enfance est partout une transition nécessaire, mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez vous. » Enfin,